MEV dans vos oreilles. Semaine 16. Septembre 2019. Ah, déjà ? Et oui ! On n'a pas souhaité un bon anniversaire à Solange hier. Oh, voilà, on dit qu'on commence une nouvelle tradition et puis en fait on la respecte déjà plus, quoi, voilà. Le premier jour. Ok, super. Donc bah voilà, bah, joyeux anniversaire en retard. On lui a souhaité en vrai quand même. Oui, bah oui. Et sinon, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Bah rien. Non, pas rien. Non, on a fait plein de trucs, mais est-ce fait qu'est-ce plein qu'on de a. Choses que. Que je procrastinais, donc notamment une nouvelle coupe estivale de barbe et de cheveux. Il a pas tout à fait la boule à zéro, mais on s'approche quand même plus de la boule à zéro que ce que tu avais l'habitude de faire quand on était à Paris. Quoi. Ah oui, oui. Mais je dois dire, c'était plutôt agréable. Le mec t'es fait papouiller. Je me suis bien fait papouiller pendant une heure. Il était très très méticuleux. Il y en avait un paquet de poils en même temps. Ah, il y en avait. Ah, c'est clair qu'il y avait 3 kilos. Et non, ça veut dire. On devrait les recycler pour faire des petits nids pour les animaux. Donc je suis tout frais. Comme neuf. Comme neuf, ouais. Et sinon, t'as trouvé des bouquins ? Alors oui, je sais. Non, je pense pas qu'on en ait parlé, mais vu qu'on va faire 5 jours de transsibérien. Et avant 2 jours de ouais. Train. Mais ça, 2 jours de train, à la limite, les batteries de téléphone et de tablette, ça peut survivre, donc je pourrais lire des BD sur ma tablette. Mais pendant le Transsibérien, 5 jours, niette. Voilà, il a fallu qu'on prenne une première classe et avoir une cabine pour nous, et avoir une prise pour nous. Mais c'était genre 3 fois plus cher, au moins. Même plus que ça, plus que ça, non. C'était... Parce que là, c'était pas cher. On a dit que c'était pas cher ou pas ? Bah, j'étais hyper étonné. On fait la moitié du Transsibérien, à peu près, et on en a pour 100 euros chacun. Ce ouais, qui... même pas, 190 euros à nous deux. Ouais, voilà. Bon. Non, mais enfin, même pas, okay. Tu vois. Donc, Oui. Mais du coup, quand. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était plutôt de l'ordre de 1000 euros pour la traversée, quoi, en fait. Ah non. Moi, je croyais que c'était plutôt 600 euros pour la totalité. Mais en fait, non, c'est encore moins que ça, quoi. Après, c'est vrai qu'on est en troisième classe, hein, on n'est pas non plus. Alors, oui, voilà. Si tu prends la deuxième classe, déjà, ça commence à être un peu plus cher. Deuxième classe, c'était en compartiment avec 4 lits. Et là, donc, bah, c'est comme on avait l'habitude, depuis le Kazakhstan, prendre notre petite troisième classe avec tout le monde. Bah, non, mais je pense que ça va être sympa. Enfin, tu vois, les gens, de ce qu'on a expérimenté jusque-là, ils sont intrigués, donc ils te parlent et tout ça. Donc, bah, le seul truc qui est un peu embêtant, c'est que du coup, comme on parle pas russe, enfin bon, deux mots, quoi. Ben, la conversation est compliquée, ils sont un peu déçus que tu parles pas russe, et du coup, c'est un peu frustrant pour tout le monde, je pense. Oui, mais... Au pire, enfin, t'arrives un petit peu à te faire comprendre. Ce qui a animé un peu le truc la dernière fois, c'était le fait que je dessine, du coup que je les dessine et tout ça, donc ça crée un lien quelque part, même si tu parles pas, bah t'as une sorte de communication, quoi. Okay. Désolé pour le bruit, on a forcément des voitures. Et du coup, en parlant de comprendre ou parler le russe ou tout ça... Ah bah d'accord, toi tu nous fais traverser go. Genre en plein milieu, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'as acheté ? Et bah du coup, je me suis renseigné pour trouver une librairie qui vend des livres en anglais, au moins, au mieux en français. Il se trouve que j'avais repéré aussi sur un blog qu'il y avait un hôtel qui en vendait. Alors, je trouve ça un peu surprenant, mais j'ai pris le nom de l'hôtel au cas où. Et vu que c'était à côté d'une des librairies que j'avais repérées, la librairie en question n'avait pas de livre en anglais, mais l'hôtel, oui. Donc, pour info, si vous allez à Almaty, au Kazakhstan, vous pouvez aller à l'hôtel Dostik, qui est un genre un hôtel 5 étoiles, hein, c'est un truc... Mais ils ont une espèce de boutique souvenir qui a plein de bouquins qu'ils importent de... Bah, c'est beaucoup d'éditions anglaises. Et après, oui, ils les achètent en Suisse, enfin, je crois, ou un truc comme ça. Donc j'ai réussi à trouver un dictionnaire russe-anglais. Bon, le seul problème, c'est que les mots russes ne sont pas écrits en phonétique, donc comme moi je ne lis pas l'alphabet encore, ça va être un peu compliqué, mais bon. C'est très absurde, parce que c'est écrit en phonétique pour l'anglais. Alors que c'est bien un dictionnaire russe d'une édition anglaise, donc ça veut dire qu'à la base c'est fait pour des anglophones, oui. En tout cas, voilà, pour parler russe, et pas l'inverse. Donc le phonétique en anglais est un peu bizarre. Et pas en russe. Non, je suis d'accord. Et puis en plus, c'est une édition, c'est Collins, quoi. C'est pas un petit éditeur. Toujours est-il que, bon, on essaiera de se débrouiller avec ça. Il faut... Quand on... Après, j'avais fait l'alphabet avec les prononciations, donc peut-être que ça y est aussi dessus. J'ai trouvé aussi un petit guide des phrases pratiques pour le Japon. Ça, c'est très bien. Je m'attendais... Enfin, j'ai demandé au cas où, parce que je cherchais, je ne l'ai pas trouvé, mais en fait, c'était devant mon nez. Et ça, c'est super pratique. Typique. On va pouvoir un peu apprendre le japonais avant... Enfin, quelques trucs de japonais, ça peut être... Oui, et puis au moins avoir un bouquin avec des phrases toutes faites le moment où on cherchera, quoi. Donc ça, c'est cool. Et il est petit, il prend pas trop. Ni de poids, ni de volume. Oui. Oui, ça va. Ça peut se mettre dans la poche de notre veste. J'ai acheté Dracula de Bram Stoker, en anglais. Je l'ai jamais lu, et je me dis... Vu que je connais l'histoire, j'ai vu pas mal de films de Dracula. Notamment sur... parce que j'avais dû... plancher sur un épisode de Clap and Blues où je parlais pas mal de Dracula. L'autre bouquin, c'est Quantum of Solace. C'est un recueil de nouvelles de James Bond par Ian Fleming. C'est pareil, bon, je me dis, je pense que c'est facile à lire en anglais, et c'est tout qu'on connaît. Donc, tu lis l'anglais très bien. Donc, oui, mais déjà en français, je lis plutôt lentement les bouquins. Donc ça là, t'occupera pendant 5 jours, c'est bien. C'est ça, en fait, je me suis dit, je vais pas prendre un énorme pavé, je prends deux petits bouquins entre guillemets. J'ai failli prendre plein de Harry Potter, ça me donnait envie. T'avais la folie acheteuse là. Ouais, j'avais trop envie. Mais je me dis, ça va être lourd, déjà qu'on aura de la bouffe, ça va être lourd. Si en plus je prends les Harry Potter, ce sera pour une autre fois quoi. Pour une autre traversée. Donc on se prépare, tranquillement quoi. Sinon, on a avancé sur le troisième épisode, le deuxième épisode. Bah ouais. On en est où là? De Ljubljana? Oui. C'est l'épisode 2 qui sera en trois parties. Donc les deux premières parties sont presque bouclées. Il faut juste ajuster quelques petits trucs, faire les voix off. Mais on est en bonne voie. Et puis... Moi j'ai avancé un peu sur le podcast de la semaine 10. Ouais. On a appelé de la famille, des copains. Ouais. C'était une journée productive malgré tout. Ah mais je trouve que oui, on sait. C'est fou comme on a besoin de temps en temps quand on... Enfin moi je suis un peu en plus en mode tout d'un coup quoi. C'est-à-dire que là on est posé dans une ville, on sait qu'on va y rester un peu longtemps. J'ai besoin qu'on avance sur les trucs tu vois tant qu'on peut. C'est vrai que bosser une heure par-ci par-là, c'est compliqué du coup de se mettre dedans, de bosser un tout petit peu. Puis ensuite t'en sors vite. Alors que là si on sait qu'on enchaîne 2-3 jours aussi, enfin on formate notre cerveau au fait de... Voilà, d'avancer sur ce qu'on a à faire. Puisqu'après, on va pas trop travailler. Non, après, la prochaine fois, ce sera au Japon et pas tout de suite, parce qu'on sait que quand on va arriver, le temps qu'on trouve un peu nos marques et tout, Clairement. Ce sera pas tout de suite. Quoi, donc. D'ailleurs, j'ai repéré quelques endroits au Japon. Il faudra qu'on contacte. Pour le documentaire ? Ouais, pour le documentaire, puis même peut-être pour juste y séjourner. Ça peut être intéressant d'être dans un petit village qui fait du zéro déchet, par exemple. Alors, j'ai lu qu'a priori ils prenaient pas de vacanciers courte durée. Ils étaient assez sollicités, donc soit ils sont trop connus à ce moment-là, peut-être on le fera pas, vu qu'on essaie de promouvoir des petites initiatives, tu vois, un petit peu underground. On verra si on peut. Qu'est-ce qu'ils appellent courte durée? Si c'est moins d'un mois, voilà. Si tu prévois de rester plus d'un mois pour faire du bénévolat, machin, oui, ils peuvent t'accueillir. C'est-à-dire que moi, si je m'écoutais au Japon, j'y resterais 6 mois. J'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs à voir, à faire, et qu'on sait qu'on y retournera sûrement jamais. Ça me donne trop envie. Bon, on a un visa, on peut y aller sans visa pendant 3 mois, ce qui est déjà bien, beaucoup. Mais après, je sais pas trop quelles sont les conditions pour demander un visa et surtout quelle sera notre santé financière à la fin de ces 3 mois, si on y reste 3 mois, parce que c'est pas donné, mon gars. Ouais, c'est clair. Ce qui est chouette, c'est que c'est sur la même île que Shikoku et les temples. Le temple qu'on veut visiter, entre guillemets, enfin faire le pèlerinage. Le pèlerinage, ouais, parce qu'il y en a 88. Oui, ouais, les temples. Donc c'est au même endroit. Enfin, du coup, il y a des temples, je pense, à côté de. Ça se trouve, à Shikoku, on va y rester 3 mois. Peut-être, on ne sait pas. C'est sûr que notre objectif là, c'est d'arriver au Japon. Et c'est vrai qu'après, là, c'est un peu dans le flou. J'ai commencé un peu à noter des trucs à voir et tout, mais on a deux guides qui font entre 500 et 900 pages l'un et l'autre, donc autant vous dire qu'on n'est pas arrivé. Numérique, hein. Oui, numérique. Parce que j'imagine le poids du truc. Mais du coup, bon, je pense que quand on sera dans le Transsibérien, je vais aussi en profiter pour pas mal bouquiner ça. On va avoir le temps de peaufiner ça. Je vais pouvoir le mettre sur ma liseuse, donc ça prend... Ça n'a pas besoin de beaucoup de courant. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est cool. Et donc voilà, pour que quand même, quand on arrive, on sache à peu près ce qu'on fait, parce que là, on est un peu... Ouais. Un peu comme tout le temps, quoi. Complètement. Mais je serais content quand on va arriver. Enfin, je pense que je vais être à mon avis, très on va moitié une semaine à s'en remettre, déjà. Ouais, c'est ça. Même si on n'aura rien fait, mais on sait comment ça s'est passé, la traversée du Kazakhstan. C'était fatigant, même si tu fais rien et même si tu dors beaucoup. Ça reste que c'est pas très reposant, malgré tout. Donc, à mon avis, on va prendre un peu de temps pour s'en remettre, quoi. Ah oui, et bah ça va être deux fois pire. Et là, c'est 10 jours de trajet, au final. Au total. Non, mais c'est ouf. Mais cela dit, on passe une nuit à Vladivostok. Ouais. Ce sera pas mal. Avant pour prendre une douche. Parce que les gars, on va quand même passer 7 jours sans prendre de douche. Bah, je compte faire des petites toilettes de oui, chat. Mais ça n'empêche que... Voilà. Sachant qu'apparemment, il fait très très chaud dans le Transsibérien, parce qu'il est un peu surchauffé. Ah super. On va transpirer. Donc même comme si des il fait pas chaud dehors, parce que ce sera le début, enfin la fin de l'été. Ça va, il début fait pas du, trop froid. J'ai vu à Novosibirsk, c'est pas, c'est. C'est pas la Sibérie quoi. Donc, non non pas. On est un peu les bas. Hein. Mais je suis à la fois partagé entre guillemets, mais je trouve ça très excitant de faire ce voyage, vraiment, parce qu'en plus ça fait tellement longtemps que j'en parle, enfin peut-être presque 20, non pas 20 ans, mais. Quand même, hein. Depuis que je suis ado, enfin, j'entends parler de ce. Même si c'est pas la totalité, mais ça reste que je pense qu'on va voir de très beaux paysages. Il y a de la lumière qui s'est allumée. Donc, oui, t'es partagé entre. Oula, ça c'est le bruit de notre porte. Le bruit de la porte, ouais, on va là. Très très désagréable ce petit bruit de sonnette. On va y re-rentrer juste pour vous mettre au même niveau sonore que, que nous quand on y rentre. Que nos tympans. Donc oui, t'es partagé entre l'excitation. L'excitation et le fait que je sais que ça va être un peu épuisant. Et éprouvant. Ouais. Non, mais... voilà. Bah après, ouais, on va arriver, on va être fatigué, on va puer la mort, je pense, même si on fait des toilettes de chat. Mais je pense que ça va être complètement fou, quoi. Vraiment, j'ai hâte. Bon, sous réserve qu'on ait notre visa russe, hein. Parce que si on n'avait pas notre visa russe, toujours la petite réserve. C'est ça le truc, c'est que. Eh ben, on sait pas trop. On n'a pas réfléchi là, on s'est dit non. Non, en fait, on visualise le fait qu'on va l'avoir. On se met dans un état d'esprit positif, donc on ne pense pas au fait qu'on l'aura pas. De toute façon, si on y pense avant qu'on a notre visa, ça servira à rien. Donc autant y penser quand on aura la décision. En fait, c'est vrai que ça utilise de l'énergie de cerveau pour rien. Voilà. Vu qu'on peut rester un mois au Kazakhstan, et bah ça nous laissera le temps de... de trouver une autre solution. Ah, peut-être on ira en Afrique, je sais pas. Voilà, donc là on va rentrer dans notre auberge. Ouais. Et puis on va vous allez se poser un peu. Joli son qui nous transperce les oreilles à chaque fois. Attention, vous êtes prêts. On dirait une alarme incendie, quoi. Ah non, on n'a pas dit. Et d'ailleurs, il fait un petit dodo là, dans sa cage. Il rêve, je pense. Regarde, oh là, c'est trop mignon. Nous entendu. C'est adorable ce machin. Ça sort. Ça essaie de ça sortir. Ça voudrait sortir, mais. Ah, mais il est dans la tête d'oreille. Du coup, il ne peut pas sortir par là. Donc il y a plein d'animaux ici. Ouais, alors qu'ils sont en cage. Bon, il les fait sortir un petit peu, mais globalement, ils sont quand même un peu jour, enfermés. Il les fait sortir. Deux fois par jour. Oh, c'est une petite tête beaucoup trop mignonne. Salut, toi. Salut, mon coco. Oh, oui. Oh, oui. C'est trop mignon. 30 septembre 2019, joyeux anniversaire à ma nièce, déjà, pour commencer. Joyeux anniversaire à elle. Nous sommes devant une pâte à cookies crue, un saladier. Fait exprès. Ouais. C'est tout à fait des cadeaux, c'est mal. Mais c'est avec ce qu'on avait encore de sucre et de farine de la dernière fois, on s'est senti obligé. Ça va être notre repas, et après on va aller regarder Friends dans le lit. Voilà, voilà où on en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait froid, il pleut. On a voulu aller au cinéma, on n'a jamais trouvé le cinéma en question. Bah si, on l'a trouvé, mais a priori, il est en travaux, donc c'est fermé. Mais pourtant, il y avait des horaires sur leur site internet. Donc. Il n'y avait pas d'entrée, quoi. Donc, voilà. Donc, on a fait. On n'a pas trouvé la poste non plus. Mais en revanche, on a trouvé un supermarché style bon marché, avec que des produits un peu partout du monde. Oui, mais c'est pas tellement des produits de luxe. C'est des produits de luxe, mais comme c'est des produits importés, c'est des produits assez chers. Assez cher, oui. Et donc, du coup, c'était un peu. Mais ça faisait un peu ambiance bon marché, tu vois. Oui, oui. C'était un peu, les produits étaient mis en avant. C'est le supermarché fait pour l'occidental qui n'a plus ses repères en Asie, clairement. C'est ça. Et si on s'était écouté, on aurait acheté le magasin, oui. Vu qu'on était un peu genre en mode on a envie de manger pour se réconforter. J'ai besoin de comfort food. Mais on a été raisonnable parce que les prix étaient quand même un peu exorbitants. Donc on a juste acheté de quoi, du lait et puis du chocolat. Puis vu qu'on part demain, on savait qu'on allait. Ah oh, bah une burrata, j'aurais pu la manger ce soir. J'ai pas raconté que hier je suis allé au parc Panfilov, qui est le nom d'une ville, il me semble, où il y a eu une bataille et où il y a eu 28 soldats morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était des soldats qui venaient d'Almaty. Et du coup, il y a un énorme mémorial qui est très impressionnant, qui n'est pas forcément très beau, comme souvent les mémoriaux de guerre. C'est pas trop l'objectif en même temps, c'est pas non, un truc joli. Quoi. Mais très impressionnant. Et une très belle église qui est orthodoxe et qui est la seule qui a survécu après. Le seul bâtiment, même pas la seule église, c'est le seul bâtiment qui a survécu au tremblement de terre il y a 100 ans. Puis il y avait plein d'enfants qui jouaient avec des DCA. Il y a plein d'engins de guerre qui sont un peu partout dans le parc. Bah, un peu comme à Jalalabad, c'est quand on est allé déjeuner, il y avait des trucs. Et puis voilà. Bah, on espère que c'est notre dernière journée à Almaty. Bah oui, demain, quand même, verdict. Tout, même si c'était chouette, hein, moi j'ai bien aimé, mais... Ouais, demain matin, verdict. Voilà, à l'ambassade de Russie. Et on sera vite fixé, vu que c'est entre 9h30 et 10h. C'est ça. Et puis ensuite, on a notre train à 18h. On croise les doigts. 1er octobre 2019. On a notre visa russe. Wouh, wouh, wouh. Ouais, c'est la fête. Easy peasy, hein. Oui. Ouais, voilà. Du coup, on peut prendre le train ce soir. En même temps, ça m'aurait étonné qu'on l'ait pas quand même. Il n'y avait pas de raison, mais bon, je sais jamais trop s'il manque un papier, un truc et tout. Parce que quand on est revenu vendredi, il y avait une dame avec son petit bout de chou là, et apparemment elle n'avait pas tous les documents qu'il fallait pour son visa. Et là, quand on est allé le récupérer, c'est pareil, il y avait une dame qui avait l'air de galérer un peu. Oui, mais nous on avait prévu, on avait normalement tous les documents. Oui, mais bon. Voilà. Je sais jamais. Par l'histoire du ticket de ferry. Comme on lui a rapporté vendredi, on sait pas trop si ça a joué ou pas. En notre faveur. En tout cas, c'est bon. On peut aller faire nos valises. Ah là là. Enfin, nos sacs. Ouais, oui. Et puis, dans le bus au retour, on a eu un contrôleur qui nous a kiffé. Et du coup, il nous a parlé de la musique qu'on entend partout. Alors, je crois que c'est. Je dis que c'est Tal, mais je. Je sais pas, on a toujours on a pas vérifié. Bref. On vous la passera, on va essayer de la retrouver, on vous la passera parce qu'elle passe vraiment partout quoi. Ouais. Ils adorent cette chanson. Et pas que au Kazakhstan d'ailleurs, au Kyrgyzstan aussi. Ouais. On entendait beaucoup. Et il nous a parlé de Paris et Eiffel Tower et que c'est merveilleux et tout ça. Et il nous a dit d'aller visiter Astana. D'aller à la tour Eiffel d'Astana. Je me souviens même plus déjà du nom, il nous l'a dit. Mais... Non, mais je crois que c'est une espèce de grande tour, tu sais, avec une boule en haut qu'on voit partout sur les photos. Oui, c'est une tour télé ou un truc comme ça. Et pour voir la ville d'en haut. Peut-être. Bah, peut-être quand on reviendra, de toute façon, on passera certainement par le Kazakhstan. Tous les cas, quand on fera notre boucle. Comme on doit aller en Ouzbékistan, si tout va bien, je pense pas qu'on passera par Astana. Mais bon. On verra. Tout dépend. D'ici là. Eh bien, nous sommes dans le train, ça y est, direction Novosibirsk. Là, je suis dans le courant d'air de la fenêtre. Oui, c'est pas le même train que pour faire Aktao, Turkestan ou crever de chaud. Là, il y a une fenêtre non hermétique, hein, clairement, avec un bon courant d'air. Comme il fait pas très très chaud dehors, je pense que je vais un peu me feuler les fesses. C'est la même qui fait carrément froid. Bah, disons que j'ai ma polaire, quoi, c'est pour te dire. On va essayer de demander une couverture. Oui, on va en avoir une. Ils sont sympas, les gars du train. Ouais. Cet après-midi, on a bossé à l'hostel, en attendant que ce soit l'heure de prendre notre taxi. T'as bien avancé sur le montage. Ouais, j'en ai deux d'avance et t'as toujours pas écouté. Si, j'ai eu le goût. Attends. T'as pas fait le podcast semaine 10, c'est pour vous prévenir. Bah non. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien puisque vous serez. Vous aurez déjà. Il fait 1h45. Donc si tu veux, c'est un peu long. Surtout que je sais pas ce qu'on a raconté parce qu'on avait rien. Enfin, c'était pas non plus extraordinaire quoi. Là, c'est la semaine où on a pris le bateau, on a pris le train et tout, donc on avait plein d'expériences de vie. Voilà, on partageait notre expérience sur le moment. Voilà. Donc peut-être ça prend plus de temps aussi, quoi, tu vois. Et ensuite, c'était cool, l'hôtel nous a commandé le taxi, donc ça nous a évité de devoir galérer un peu à négocier, à pas se comprendre et tout ça, c'était plutôt pratique. Et c'était pas si cher que ça, ça nous a coûté 1200 tengés qui correspondent à 3 euros. Ouais. Parce qu'un tengé c'est 400. Ouais, c'est ça. Un peu moins. Pour faire 10 bornes quand même, c'était hyper loin. Donc c'était très pratique. Voilà. Parce qu'apparemment le bus c'était compliqué, le métro il n'y en avait pas. Enfin voilà, donc c'est pas la gare la plus pratique, c'est celle qui est la plus loin. Donc, Ça a l'air d'être un système beaucoup de taxis hyper organisé, hein, avec une appli et tout, je crois. Oui, j'avais lu ça que Almaty avait tu pouvais avoir une espèce de appli Uber. Enfin, c'était pour les taxis. Quoi. Et ça évite de se faire un peu arnaquer si. Voilà, en tout cas, c'était moins cher que ce qui avait marqué dans le guide. Quoi. Bah oui. C'était bien. Non, pas dans le guide, dans le site de tourisme centralisé. Ensuite, il a fallu qu'on échange quand même à la gare. Il a fallu qu'on échange nos billets imprimés. Ouais. Qu'on a cru qu'on avait perdu tout à l'heure. Ouais. Ah, je comprends pas. Je pense qu'il est torché. Ah, pas du tout, ça se sent pas du tout. Ça se sent pas du tout, hein. Ouais. Ça fait bien. Il laisse une bonne. Oula, oui, une bonne odeur qui persiste, quoi. Oui, donc il a fallu changer nos billets parce que quand t'achètes tes billets sur internet, du coup tu les imprimes et ensuite c'est pas ton vrai ticket. Et tu dois faire la queue. Enfin, tu dois faire la queue. Tu peux tenter de faire comme les Kazakhs, c'est-à-dire passer devant tout le monde quand t'estimes que t'es plus pressé que les autres. Ou que tu es plus important que les autres, peut-être. Oui, c'est ça. Donc il y a une dame qui nous est passée devant, mais qui s'est fait refouler parce qu'elle n'avait pas imprimé son billet et que la caissière lui disait « Non, si tu n'as pas ton billet imprimé, je ne te donnerai pas ton billet. » En l'occurrence, elle l'a eu parce que elle est à côté de nous. Enfin, pas très loin. Pas même wagon. Je suis pas du tout physionomiste, donc... Mais donc oui, le système est assez mal foutu parce que du coup tu fais la queue en même temps que les gens qui achètent leur billet dans 10 jours s'ils ont envie. Donc du coup quand toi t'es un peu pressé ou en tout cas ça pourrait aller beaucoup plus vite juste échanger ton billet, du coup tu dois rester derrière les gens qui changent 4 fois d'avis, demandent, tu vois, cassent tous les trains de la journée, et tout. Donc c'est vrai que pour ça c'est un peu bizarre. Heureusement qu'on a pris de l'avance parce que finalement... Une fois qu'on avait notre billet, on avait 20 minutes, quoi. Ouais, on était parti 2 heures avant. Et un peu moins, quoi. On avait prévu de partir 2 heures avant, mais on a cru qu'on avait perdu les billets, donc... Mais alors, entre le taxi, parce qu'il y avait de la circulation, du coup, et 12 km à l'heure de pointe, quasiment, voilà, il y avait un peu de monde, quoi. Plus la galère, en effet, pour récupérer ses billets. On pensait avoir le temps de manger tranquille, et en fait, on a dû se prendre un truc un peu à l'arrache. Emballé dans du cellophane, et avec un bon gros morceau de saucisson pas terrible en plus. Bah je vois celui-là passait mieux que celui qu'on bouffait, ce qu'on avait testé dans De Force lors de notre petit déjeuner. Il y avait à Caracol aussi, ah, c'était pire je pense, mais à Bishkek hein, c'était le même je crois. Ouais. C'est vraiment on dirait un saucisson à l'ail mais pas bon quoi. C'est déjà j'aime pas ça. Bizarre quoi. Bref, donc voilà, on s'est installé dans le train, donc comme d'habitude c'est toujours un peu compliqué de pouvoir s'installer parce que comme on est dans le couloir, on n'a pas réussi à avoir des places dans le carré, donc on est dans le couloir, donc du coup on se fait pousser partout. Déjà pour rentrer, c'était folklore, parce que les gens, si tu veux, moi avec mon sac à dos par exemple, je bloquais complètement le passage, mais les gars, ils te forcent, c'est-à-dire qu'au lieu juste que t'attendes, que tu te décales un petit peu un endroit où ça pourrait passer à deux, Non, limite, il te marche dessus. Oui, parce que nous, on attendait de place sciemment parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de s'installer. Donc, du coup, on est poli, tu vois, on pousse pas. Mais en fait, les autres gens poussent, quoi. Enfin, tu vois. Oui. Voilà. Donc, c'est pas trop notre manière de faire. Mais non, mais c'est très drôle parce que même là, tout à l'heure, on voyait une dame qui est en train de s'installer en face de nous, dans le carré en face de nous. et elle est en train de faire son lit et elle foutait toutes ses affaires sur la dame qui est allongée en face. En face, oui. Voilà. Genre tranquille quoi. Et mais on voit aussi en voiture les gens qui se garent, tu sais, devant les voitures qui sont déjà garées. Donc il a eu le problème à Hoche, on n'avait pas pu sortir parce qu'il y avait une voiture qui nous bloquait. Ouais. C'est quand même des concepts quoi. C'est marrant. Et il y a un mec qui a récupéré ce qui était censé être ton matelas. Oui. Et en fait, genre, il l'a récupéré pour lui. Moi, j'ai cru que c'était... Enfin, du coup, j'ai un peu bugué parce que je pensais que c'était... qu'il l'avait posé là, en fait, que c'était le sien. T'as pas surveillé mon matelas. T'as laissé quelqu'un prendre mon matelas. Ah non, c'est même pas que j'ai pas surveillé, c'est que... Le mec, il est parti avec mon matelas comme ça, et personne n'a rien dit. C'est un peu comme si j'étais parti avec mon sac, quoi. Mais non, mais en fait, j'étais tellement... Je me dis que... J'étais devant, si tu veux, donc le gars, il m'a même pas posé la question, quoi, si tu veux. Donc, j'ai eu vraiment un moment de bug où je me suis dit, bon, c'est que du coup, comme il y avait déjà des draps dessus, qui étaient sur le matelas, je pensais que c'était, voilà, qu'il avait posé là en attendant, quoi. Et en fait, après, donc, je suis allé le voir, il m'a filé un matelas, mais... Un autre. C'était un autre matelas, et on s'est fait avoir parce que bah, tu as un matelas... Bien pourri. Un peu pourri, comme les oreillers, tu sais, quand ils ont trop été utilisés, et que du coup, ça fait plein de petits morceaux de complètement dépiautés, quoi. Et ben, mon matelas, c'est ça. Le matelas, il date de l'ère soviétique. Donc, en effet, ça va pas être le plus confortable du monde. Tu aurais pas mis le chauffage, là, par hasard? J'ai l'impression qu'il y a... C'est mon thé qui me réchauffe. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai encore un peu. Je suis bien avec ma polaire. Quoi. Bon, bref. C'est toujours un peu l'organisation. Voilà, ce sera un peu plus facile pour le transsibérien, je pense. Parce qu'en effet, on sera en carré, donc on pourra mettre nos sacs. Mais là, même là, pour mettre nos sacs et tout, c'est un peu compliqué. Quoi. Bah, j'espère qu'il va pas tomber sur quelqu'un. Mais non, ça c'est bon. Non, mais parce qu'on a réussi à le mettre pas là où on est censé le mettre. Parce que. C'était où que mon sac à dos était tombé Sur moi. Sur toi. Mais c'était au tout début de notre voyage, je crois que c'était encore en France quand on a fait Bordeaux-Narbonne. Je me demande si c'était pas tombé aussi à moitié sur une dame qui était à côté, quoi. Non, je crois pas. Non. Pas, non. Mais ça m'était tombé sur le bras, quoi, ton énorme sac de 15 kilos. Voilà. Donc, on va éviter, hein. Exactement. Ah, j'ai récupéré un bouquin à l'hostel. Non, je sais pas si on a raconté qu'on était dans la chambre Harry Potter. À l'hostel où on était là, non. À Almaty. On a envoyé une photo à. Même pas. Donc c'est un hostel qui s'appelle Alma Cinema et chaque chambre c'est un thème de film. Et nous on est bien tombé parce qu'on est tombé sur Harry Potter. Parce que sinon ça pouvait être Bollywood. Bon, Bollywood ça pouvait être sympa. Non mais elle n'était pas très belle la déco. Ah ouais. Franchement la nôtre c'est la plus jolie déco. Bah en fait, ouais. Il y avait les Avengers, il y avait Gatsby. Gatsby le magnifique. Game of Thrones on n'a pas vu à quoi elle ressemblait. Il y avait Star Wars. Il y avait un autre truc, je sais plus ce que c'était. Non, mais du coup, t'étais pas du tout dans une ambiance fin, tu vois. C'était... Alors que là, non. Là, c'était vraiment. T'avais l'impression d'être à Poudlard. Et du coup, c'était vachement chaleureux. Mais bon, on était chez Gryffondor. Et alors ? Ça aurait été mieux que si on était chez Poufsouffle. Bah, écoute, ce qu'on peut. C'est les meilleurs, les Poufsouffles. Non, c'était un hôtel très chouette. Enfin, c'était calme, ouais. Tu vois. C'était bien situé. On était un peu proche de tout ce dont on avait besoin. Il était hyper gentil, le monsieur qui donnait le truc. Bon, le petit déjeuner était pas ouf, mais bon, ça va. Bah, ça avait l'avantage que tu te servais ce que tu voulais et ça restait bien, quoi. Enfin, moi, ça va. Oui. Oui, c'est pas. Enfin, voilà. C'était bon. Propre. Enfin, franchement, moi, je trouve ça c'était bien. C'était pas horriblement cher. Donc. Non. Voilà, c'était un bon choix pour y passer aussi. Et bien situé, quoi. Une carte, c'est sympa. Puis proche de notre petit café où on a passé à peu près toute nos journées. Toutes nos journées. Tous nos repas. Tous les jours, on y était à un moment donné, quoi. Du coup, on était devenus un peu des habitués, quoi. Le monsieur, quand il voyait arriver, il disait « Ah, bonjour !» Pas bonjour en français. Hein. Donc, nouveau pays, en fait, hein. Vous savez. Pas Alex... encore, là, mais c'est demain. Ouais, enfin, on va voir un nouveau pays. Mmh. On va traverser un nouveau pays. J'ai hâte de voir quand même. Il paraît qu'à Astana il a neigé. Donc ça veut dire peut-être qu'on va avoir de la neige. Est-ce qu'on y passe, c'est ça apparemment ? Ah, je sais pas si on y passe. Bah, il avait l'air. Qui nous a dit qu'on devait y passer obligatoirement si on. Bah, notre colocataire d'avant-hier là. Qui disait que si on prenait le train, on passerait à Astana obligatoirement, je crois. C'est possible. Je sais pas. Bon, on verra bien. On n'a pas été voir encore l'affiche avec les horaires et les villes qu'on va traverser. Ah oui. Et savoir aussi si c'est bien le terminus où on arrive pour pas avoir à se stresser. Non, c'est le terminus. Hein. C'était sur le train, c'est affiché sur le train, c'est Tashkent, Novosibirsk. Ce qui doit être une grande ville au final, hein, parce que oui, ce soit un terminus. Oui, sûrement. On a déjà repéré des petits cafés pour aller travailler, un cinéma, une séance de cinéma en anglais sous-titré russe, donc voilà, on est bien. Ad Astra de James Gray, j'ai hâte de voir ça. Avec Brad Pitt. Normalement, dans deux jours à 16h25, on est dans la salle de cinéma, c'est tout bien. Si on se met au bon fuseau horaire aussi. Parce que... Ouais. Okay, oui, puis si on n'a pas trop de retard, parce qu'on est parti avec une demi-heure de retard. Ça va. Ah oui, mais bon. Bon, voilà, on va bouquiner un peu et je pense qu'on va dormir pas si longtemps que ça. Hein. Ouais, je suis un peu crevé. Espérons qu'on arrive à bien dormir. On va lui demander la couverture. Tu crois que celle de... c'est bon ? Je sais pas. On a fini. On va voir. Je vais aller voir. Faut que je vous vérifie comment on dit en russe. Coucou les amis. On est le 2 octobre 2019. Ouais. On a passé notre première nuit dans le train entre Almaty et Novosibirsk. Eh ben on s'est pelé. Ouais. Bah, c'est-à-dire que moi j'avais froid jusqu'à quand je me suis couchée parce qu'il y avait le courant d'air qui me... fouetter le visage, donc je me suis mise sous mon drap, ça allait encore un peu, mais genre vers 4h du matin, tout mon corps était transi de froid et les gens étaient habillés comme s'ils étaient dehors, quoi. Ils ont leur bonnet, leur manteau. Il est 9h du matin et c'est toujours le cas, hein. Ils sont toujours emmitouflés. Il fait glacial. Bon, on crache pas encore de la condensation, enfin on n'expire pas encore de la condensation. Mais ouais, j'espère que le transsibérien, ce sera un peu mieux. Parce qu'on va traverser des endroits encore plus froids a priori, donc si c'est pas chauffé, j'aurais bien kiffé d'avoir des sacs de couchage moins 10 degrés, tu vois, pour pouvoir m'entouffer entièrement. C'est sûr. Donc là, on est... C'est toujours la steppe kazakh, mais un peu plus d'arbustes, un peu haut, de verdure. Ça se mélange au sable. De la verdure. C'est plus trop vert là, vu la saison. Ouais. Des petites montagnes au loin, il y a du relief. Des chemins givrés. On a pris notre petit déjeuner. Oui, c'est... Enfin... Je pense qu'on va boire du thé chaud toute la journée, quoi. Pour se réchauffer. On est bien content quand même d'avoir choisi dans le Transsibérien de ne pas être sur les places qui sont dans le couloir, parce que c'est quand même pas tout le plus gros bord du poisson séché. Ah putain, ça pue ça hier soir, là. Oh là là. Oh. Ah ça... Ouf, ouais. Ah, ça fouette un peu quand même. Ça réveille. Petit déjà. Comme la dernière fois, il y a les gens qui ont leur petit business là dans le wagon et qui font les allers-retours. Donc... Alors, il y a du business plus... j'arrive pas à dire, c'est pas intelligent, mais disons que plus... utile peut-être que d'autres. Donc le mec qui... Alors la bouffe, clairement. Et le mec qui passe à l'explorateur solaire, sa batterie externe, la solaire, il a tout compris. C'est ce qu'on avait dit dans le train d'ailleurs. On avait fait entre Actao et Turkestan, on s'était dit qu'il fallait qu'on monte un petit business comme ça. C'est vrai. Okay. Parce qu'on nous avait demandé de l'utiliser. Ça c'est plutôt pratique, la bouffe c'est plutôt pratique, même si le poisson séché je m'en passerai un peu. Oui mais écoute, en cas de panne prolongée, t'imagines tu restes là 3 jours. Bah, t'es bien content d'avoir des gens qui te... Non mais on a 8 non, kilos d'amandes, je pense que même si on reste 3 jours, on a quoi sur une, ça devrait. Ce qui pèse d'ailleurs son poids, c'était pas la meilleure idée du siècle, mais bon, comme on a pas trop mangé. Oui, mais ça va être consommé, donc au fur et à mesure. Oui, je pense qu'on aura toujours pas fini quand on arrivera au Japon. Et... Ouais, voilà. Mais c'est de la. C'est pour la survie. On était dans le. Enfin, dans le compartiment juste à côté de nous, il y avait. Sur les 6 places, il y avait 5 enfants. Et notamment un petit bout de choupi d'avoir 6 mois et qui a pas trop qui fait sa nuit, quoi. Ouais. C'est ça, hein, les petits. C'est pas trop. Mais alors, ce qui me rend dingue depuis qu'on est arrivé en Asie centrale. Mais vraiment dingue. Mais d'ailleurs, je me demande si c'était pas déjà le cas avant. C'était déjà le cas avant. On avait déjà fait la réflexion en Turquie, je crois. Même peut-être en Bulgarie, c'est les gens qui regardent ou qui écoutent des trucs sur leur téléphone sans écouteurs. Très fort. Notamment chez les petits. Alors les petits, c'est encore plus énervant parce que souvent c'est des trucs pour les enfants, donc ça crie de tous les sens et tout ça. Donc ça, c'est pas les gamins. Enfin, les gamins, ils s'en rendent pas compte de ça. Mais non, mais je dis pas que c'était la faute des gamins. Ouais. J'ai juste dit que hier, le petit Mouchou qui regardait là, sa vidéo et le truc qui hurlait en boucle, en plus la même chose pendant 10 minutes, c'est un tout petit peu énervant dans tes oreilles quand même. Et globalement, dans les transports, les gens font tout ça quoi. Ouais, ils écoutent. Tu sais, ça c'est en France. Hein. On voit en France hein, ça. C'est quand même pas très fréquent. Franchement, pour prendre. Bah non, ouais, mais. Non, je sais pas. Enfin, oui. J'ai pris beaucoup les transports dans la vie, tu vois. Notamment à Bordeaux, même à Paris. Enfin, quand je prenais le train pour aller à 50 ans et demi et tout. C'est très très rare. Oui, t'as parfois des petits kékés, tu vois, qui écoutent leur téléphone et tout, mais. Là, c'est tout le monde en fait. Enfin, personne n'a d'écouteurs quoi. Ouais. Voilà. Oui, je râle, mais c'est parce que vraiment, je trouve que. Et c'est pas du tout contre, contre les Kazakhs. Je pense que c'est un truc en effet. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Mondial, hein. J'en sais non, rien. C'est mondial. Enfin, non, mais c'est juste que c'est un manque de respect, je trouve, envers les autres. Un manque de civisme incroyable quoi. En fait, c'est juste que toi, t'as pas envie d'entendre ce que l'autre écoute déjà. Surtout, ça fait mal aux oreilles, en fait, ce truc de haut-parleur, des téléphones. Ah bah c'est le pire pour les oreilles, enfin, t'as pas de basse, c'est un peu des aigus qui te transpercent les tympans. Oui, en effet. Bon, j'ai le droit de râler ou pas? Je sais pas si t'as le droit. Parce qu'on a fait que ça, là, depuis que... Bah en même temps, on a une nuit... On est grognon, du coup. Oui, on n'a pas très bien dormi. Regarde, il y a des Mikado géants. Tu les as vus? Oui, sauf que c'est des trucs pour les enfants ou c'est plutôt des trucs pour le chemin de fer? Non, mais moi je veux bien ne pas voir le négatif et montrer le positif, mais là il n'y en a pas pour l'instant. Non, à part qu'on est content d'être dans le train, quoi. On a dit qu'on était spontané, sincère avec notre voyage. Notre sentiment. Après. En effet, dans deux jours, on s'en souviendra pas, parce que c'est pas un sujet. Mais là, sur ce moment précis, voilà, plutôt en inconfort. Je pense que la journée, ça va aller, quoi. C'est vrai que la nuit, c'était un peu pénible. Bah, quand on est arrivé hier, en fait, jusqu'à ce qu'on se couche, on n'avait pas froid, donc... Moi, le courant d'air, je le sentais. Ça restait plutôt... Vous entendez ce petit bruit ou pas? Je suis pas sûre que vous allez l'entendre. Voilà. C'était ça. C'est pas un enfant. Mais non, mais du coup, je sais pas ce que. J'aimerais voir ce que ça fait si moi je commence à mettre ma musique. Je sais pas, enfin tu vois. Mais moi, j'oserais jamais faire ça. Je me sentirais tellement mal à l'aise. Mais jamais de la vie, j'essaye de faire ça. Battle. Bon bah voilà. À suivre. Nous sommes actuellement arrêtés pour une vingtaine de minutes. Il y a plein de petits stands de bouffe dehors, donc c'est l'avantage que tu ne risques jamais de mourir de faim. Donc faire des grosses provisions de bouffe, ça ne sert à rien en vrai. Au moins juste des trucs secs, c'est bien pour quand t'as un petit creux. Ouais, aussi comme nous, tu veux manger végétarien, zéro déchet, tout ça quoi, parce que bon. Ouais, du coup, même ça, on a essayé. Tu vois, on avait des tomates, elles sont écrasées, ça a moisi. Oui, c'était pas une grosse réussite. Quoi. On est toujours en train de manger notre pâte à cookies. Qu'on a pas fini. Non, c'est vrai, on n'a pas dit ça. La pâte à cookies est toujours vivante. Clairement fait genre 8 tonnes et que bah, c'est quand même pas le truc le plus digeste du monde. Donc une fois que t'en as mangé 8 cuillères, tu t'arrêtes hein, parce que sinon ça commence à être un peu long. Cette fois, je me suis arrêté avant de commencer à avoir la nausée. Quoi. Voilà, et on l'avait emporté en se disant bon, bah peut-être que on la mangera dans le train. Comme il n'y a pas d'œufs dedans, bon, il y a du lait de soja. Vanillé, mais qui est ouvert, mais bon, ça va, tu peux le garder, je pense, 5 jours à température plutôt ambiante, même si ils te disent de le conserver au froid et tout. Mais... Là, ça a été conservé au froid. Bah oui, enfin là, ça commence à chauffer à nos pieds, donc la nourriture est en train de chauffer un peu. Et bah, on en a mangé un petit peu, ça nous cale bien. Hein. C'est très économique. Pas du tout très bon pour la santé, mais très économique. Non, mais oui, on aurait dû mettre moins de sucre. Non mais même sans le sucre, c'est juste que la farine pas cuite, c'est pas très digeste quoi. C'est tellement bon. Enfin, la farine, pas comme ça mais... Ouais, vous faites juste de la farine à la cuillère, quoi. Farine et de l'eau. Non, mais la pâte à pain, tu fais de la pâte à pain, après vrai, tu fais du pain. Le pain qui est pas bien cuit, là. Ouais, baguette pas trop cuite. Vous le voyez pas, mais il salive. Une tradition pas trop cuite, s'il vous plaît. Ça, ce sera pas avant un bon moment. Mais ça va, ça me manque pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de sortes de pain jusque-là, quoi. Enfin, oui, enfin, franchement, je crois qu'on l'avait déjà dit quand on était en Turquie ou un truc comme ça, mais il y a tellement de substituts, enfin, de trucs qui ressemblent à du pain, qui sont pas vrais, qui sont pas du pain comme nous, on l'entend, mais qui sont du pain, quoi, de la farine, de l'eau et cuit au four. Que, bon, moi, je mangeais pas trop de pain, donc c'est pas ça qui me manque, mais... Sinon, on a oublié de vous raconter hier à la gare, quand on a pris nos billets, une fois qu'on avait nos billets, bon, même, on n'avait pas l'air forcément perdu, mais... On faisait notre petite vie, un peu tranquille, mais... Ouais. Mais il y a deux personnes qui nous ont demandé si on avait besoin d'aide. Trop gentil. Voilà. Un monsieur qui a voulu nous taper la conversation, mais comme on était un peu pressé, bon, du coup on a écourté un peu. Qui avait l'air très gentil, mais c'est juste qu'on n'avait pas trop le temps. Et puis un autre, juste oui, comme ça, qui nous a demandé si on avait besoin d'aide. Ça fait plaisir. Et là, la dame qui était à côté de nous cette nuit, qui vient de partir, hier soir quand on s'est couché, elle essayait de nous parler. Mais bon, comme elle ne parlait pas un mot d'anglais, et nous... Elle faisait pas de gestes. Oui. Surtout, tu vois. J'avais pas le dico sous les mains, donc j'aurais pu le filer. Ou essayer de déchiffrer ce qu'elle me disait. Mais avec le recul, je pense qu'elle nous mettait en garde sur les voleurs. Parce que je venais de voir un mec qui passait, qui était un peu louche et qui regardait un petit peu dans tous les compartiments. Bon, qui était complètement bourré aussi, non ? C'était celui-ci ? Bah. Ou pas ? Ouais, il n'était pas super frais, mais... Enfin, je crois, hein. Enfin, il y en a beaucoup qui sentent l'alcool. De toute façon, il y a de la gnôle, là, hein, qui circule. Il y a un petit trafic, là. Il y en a qui se sont fait un petit peu houspiller par le... Ouais, on ne sait pas trop s'ils se sont fait engueuler ou quoi. Enfin, je pense que c'était ça, parce qu'il n'avait pas l'air d'être tout à fait... Bon, il n'était pas méchant, il les a laissés quand même faire leur vie, mais tu sentais que... Ouais, il trouvait pas ça hyper chouette qu'il me voit en pleine journée dans le train, quoi. Je peux vous dire qu'à 10h du matin, ça trinquait au... sorte de whisky, je sais pas trop, ça va la couleur d'un whisky. C'était pas de la vodka, c'est sûr, mais du coup on sait pas trop ce que c'était. C'était un alcool fort en tout cas. Oui, a priori. Là, on a le soleil de notre côté, donc c'est pas mal. Ouais, ça y est, moi j'ai plus froid, du coup c'est top. Ça commence un peu à réchauffer, ça fait du bien. Un peu, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était quand même un peu encore frigorifié, quoi. Il se peut que ce soir, on ait des lits de libre qu'on va peut-être prendre. Faut qu'on demande au contrôleur, mais ouais, le wagon s'est quand même vidé, je pense, de au moins sa moitié, voire plus. Sur les deux dernières gares, donc à mon avis, on va avoir de la place. On va voir. Après, au pire, c'est plus qu'une nuit et c'est fini, quoi. On sort. Oui, tout à fait. J'adore leur balai. Ah, bah, c'est de la paille. Et puis voilà, quoi. Mais ouais, mais ça m'a l'air très pratique en plus. Ouais. Ça a l'air de très bien fonctionner. Alors, peut-être pas sur la petite poussière, tu vois. Non, en tout cas, sur les gros. Oui, non, on s'en fout. Mais... La petite poussière, de toute façon, tu la balais. Oui, elle s'en va. Elle revient, quoi. C'est sûr. Ça s'en va, et ça revient. Non, mais mine de rien, tu vois, c'est un train qui est super vieux. Hein. Bah, on vous l'a dit, hein, c'est le même genre de train qu'on a depuis qu'on est arrivé au Kazakhstan. Mais... Ça reste propre, quoi. Je dirais pas que c'est propre. C'est la salle. Enfin, disons, il y a de la poussière, quoi, tout ça. Mais c'est pas, tu t'oses pas ne pas poser tes fesses dessus, enfin, tu vois, sur ton truc, parce que c'est dégueulasse, tout ça. Globalement, c'est juste dans un état normal, quoi. Enfin, comme on aurait en France, d'ailleurs. Enfin, tu vois, c'est pas... Non, mais ok. Non, mais... Oui, ce que je veux dire, c'est que bon, les toilettes, c'est toujours un peu... Ah, mais ça, c'est partout pareil. Oui, mais c'est toujours un peu le point faible. Voilà, mais, c'est mais tu vas dans un TGV, c'est la même chose. Mais j'ai pas dit... Est-ce que j'ai dit le contraire ? Non, j'aimais bien les toilettes turques. J'aimais bien... Oui, mais on a dit, les toilettes turques, c'est la vie. Parce que là, c'est vrai que du coup, ça bouge, le truc est dégueulasse, t'as trop peur de... De tomber dedans. Bah de tomber dessus, enfin juste pas dedans, parce que pas tomber dedans, mais de tomber le cul dessus, parce que c'est quand même pas terrible. En plus, Oui. Et de faire pipi à côté aussi, parce que comme ça, gesticule. Bah, ça ne sera pas la première, pas la dernière, à faire pipi à côté. Hein. Non, mais c'est jamais une sensation très agréable, quoi. Tu vois, si je peux éviter, ça me va. Voilà. Ce matin, quand je me suis réveillée, je ne vous ai pas dit, mais il y avait un... La première fois que je me suis réveillée, la première fois il était 2h du matin, donc non, mais après c'était 4h du matin, mais vers 6h et quelques, il y avait un très très très beau lever de soleil. Du coup, là en face sur la steppe, avec des couleurs très très chaudes, très jolies. J'ai loupé ça. Et tu faisais le dodo ? Ouais. Et je voulais pas te réveiller quoi. Puis genre, t'es incapable de sortir du lit tellement j'avais froid, donc bon. C'est ma pote, hein. Je sais pas ce qu'elle nous raconte, mais. Tout pour. Et ben voilà, je vais aller regarder où est-ce qu'on est. Il est 16h10. Tout à fait. On a plein de choses à raconter. Il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on a parlé. Bah déjà, on est devenu l'attraction du wagon. Voilà. Parce que on voulait demander au contrôleur si on pouvait changer de place. Oui. Et il est venu spontanément nous voir avant qu'on nous pose la question pour nous dire, pour nous proposer deux places. Qui était mieux. C'était mieux. Pas dans le courant d'air. Exactement. Et du coup, on s'est retrouvé en face d'un jeune homme qui parlait anglais et qui du coup nous a papoté. Il nous a papoté. Il était étudiant en médecine. Il a 21 ans. Vient de Chimkent. Il vit dans la ville dont je me souviens pas le nom. Du coup, on s'est arrêté il n'y a pas très longtemps. Voilà, ce qui est très utile. Très utile, très intéressant. Et du coup, comme il nous parlait, toute l'attention s'est portée sur nous. Il nous a tous les gens qui se sont plus ou moins rapprochés, des sièges les plus proches, tout ça pour. On se fait observer par un petit temps. Ils se sont rapprochés aux sièges les plus proches de nous. Oui. Pour du coup écouter les conversations, la conversation qu'ils ne comprenaient pas, mais ils faisaient la traduction aussi. Ils faisaient aussi la traduction, ouais. Donc, on était plusieurs nationalités. Il y avait russe, ouzbek, kazakh, français. Exactement. Et on a pu se faire une petite conversation. Ouais. Jusqu'à un moment donné où c'était une question très étrange. Il nous a demandé, est-ce que vous pourriez me parler de quelque chose d'intéressant, c'est ça ? C'est ça. Alors, je dois dire quoi, on m'a jamais posé cette question. Du coup, on n'était pas préparé à trouver un sujet intéressant, quoi. Non, et du coup, j'ai dit, mais on pourrait sortir les photos qu'on a imprimées de nos familles pour... Parce qu'on a enfin imprimé les photos de nos familles pour les montrer, parce qu'à chaque fois, on se fait avoir avec ça quand les gens nous posent des questions. Et en fait, c'est vrai que c'est un bon moyen de faire la conversation. Et puis de partager, de montrer des choses, quoi. Et puis en même temps, dans le dictionnaire, j'essayais de trouver le mot russe pour que les autres puissent comprendre tout ce qui était frères, sœurs. Autant vous dire que quand j'ai dû expliquer la photo dans laquelle il y a mes deux frères, mais qui sont pas du même papa, avec ma maman, qui est avec Mourad, qui n'est pas non plus le papa d'un de nous, plus mon frère, qui est Virginie, et avec les deux enfants qui ne sont pas ceux de mon frère, etc., ils étaient un peu genre perdus. Voilà. Moi, c'était plus simple. Hein. Donc, note à ma famille, ça aurait été sympa de faire un truc un peu plus pratique pour quand j'ai besoin d'expliquer mon cas. Mais c'était rigolo, et puis voilà, ça avait l'air de leur faire plaisir de voir des photos des gens. Moi, je comprends pas très bien. Enfin, tu vois, si j'étais à leur place, ça ne m'intéresserait pas, mais je suis pas très sociable. Pour toi, c'est pas sociable, c'est pour ça, hein. Les bétons. Non, mais de rencontrer des gens que tu connais pas, c'est un peu bizarre. Moi, ce que je trouvais rigolo encore, c'est l'étonnement, même à 21 ans, ils me demandaient « Mais vous êtes mariés, vous n'avez pas d'enfants, vous voulez pas d'enfants ?» Et ça, c'est un truc qu'on nous avait déjà posé comme question quand on était dans le train entre Turkestan et Bishkek. Non, entre Aksao et Turkestan. Et c'était, mais vous voulez pas d'enfants, mais c'est quoi le problème, en fait, enfin, et là, c'est un peu ça. Et donc, du coup, ils nous demandaient, est-ce qu'en France, c'est hyper fréquent d'avoir des gars comme vous, de gens qui sont ensemble, mariés depuis 10, 15 ans, et qui ont toujours pas d'enfants pas vraiment, quoi. Enfin, mais ils demandaient de lui donner une proportion de la population, j'en sais rien. C'est comme quand ils nous demandent quelle est la hauteur des immeubles en France. Bah, il y a de tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est des questions très curieuses. Enfin, on s'attend pas à ça, quoi. C'est marrant. Oui. Et donc, le vacuum, c'est quasiment entièrement vidé. Hein. Je pense qu'il a perdu plus de la moitié, voire les trois quarts de sa population. Donc, on sent que les gens, en fait, voyagent dans le Kazakhstan, mais pas forcément pour aller en Russie, quoi. Et le monsieur ouzbek. Je pense que c'est sa femme. Ils nous ont donné des pommes, qui étaient très très bonnes. Trop bonnes. Ils nous ont donné des petites boules de fromage, là encore, comme on avait goûté à Bishkek. Alors, j'ai croqué dedans, mais c'est dur. C'est vraiment dur, quoi. Moi, j'ai du mal. J'ai mangé une moitié, mais malheureusement... J'ai pas été très gentille. Moi, j'ai pas croqué dedans, mais en même temps, il était plus là. Il était parti, il nous a juste donné. Il nous a pas attendu, donc je me suis dit, je croque pas dedans, parce que je sais que ça va me donner un peu mal au cœur. Je veux dire un truc aussi, c'est que elle avait pas une allure très... Ça avait l'air un peu dégueu, enfin tu sais, c'était un peu sale quoi, enfin tu vois, c'était... Ah bon ? Ouais, enfin du moins la mienne. Ah. J'ai quand même croqué dedans, mais bon, on verra ce qui va se passer le prochain jour. Et du coup... Ah, on veut de la picole ou pas ? Du coup, je l'ai jeté dans les toilettes. Bah ouais, non mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que en fait, se rendre malade... Non, puis c'est... Ouais, c'est... le... Comment il s'appelle le garçon qu'on a rencontré du coup ? Je me suis... C'est non, c'est compliqué. Ah bah il a un nom très compliqué à retenir, mais je vais vous le dire parce que je lui ai demandé de l'écrire. Ce qui veut dire en français, c'est la lumière qui vient, qui est venue. Donc c'est... À part ? Non mais ça c'est son surnom. Nourgaldi. Ouais, c'est bizarre. Nourgaldi à part. À part Nourgaldi. Je pense que c'est Nourgaldi, c'est son prénom, non ? Nourgaldi ? J'ai pas l'impression que c'est ce qu'il nous avait dit en plus, donc c'est très bizarre. Son Instagram, c'est Nour quelque chose. Bon. C'est son prénom, oui, t'as raison. Oui, bah oui, c'est marqué sur name et name. Ah, ouais. Donc il nous a donné des petites barres chocolatées en partant. Super gentil, mais c'était pas bon, en plus c'était emballé dans le plastique. Oh, c'était pas bon. Non, moi ça va, c'est tout bien chimique, tu sais. Non, mais moi c'est... Chocolaté, mais... Non, moi je veux bien manger un Mars ou un Snickers, qui est un truc bien chimique, mais qui a un goût jouissif, tu vois, un peu. Parce que c'est ce que tu connais. Là, c'était pas bon. Ah bon, bref, moi je les ai mangés, et du coup, je lui ai fait un petit dessin d'une tour Eiffel... espèce de petite silhouette de Paris, mais vite fait au moment où il partait, quoi, pour le remercier, et puis qu'il se souvient de nous, et puis et comme ça on a donné notre Insta, comme ça on peut se... comme ça on va rayonner worldwide. On n'a pas raconté aussi qu'il y a un monsieur qui avait tellement bu qu'il est tombé de sa banquette. Il était allongé entre les deux banquettes, quoi, parce qu'il était tombé. Faut dire, à 10h du mat, ils étaient sur le Sky, ils l'ont descendu la bouteille, hein. Donc là, on a rempli notre petite carte d'immigration. Oui. Encore. Pour la Russie cette fois. On s'était trompé. Ouais, bref. Comme on n'a pas le droit aux ratures, il a fallu recommencer. Donc ça voudrait dire qu'on va pas trop tarder à arriver à la frontière, je pense. Il y a un des deux contrôleurs qui s'appelle Beck, qui est trop drôle. Bon, très sympa. Super sympa. Bon, ils sont tous très sympas, mais lui, il est vraiment. Plus un air jovial, il rigole et tout, ça, tu vois, c'est plus agréable, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, il nous a aidé à. Il voulait être sûr qu'on est bien rempli. Ah, tout le wagon a essayé de nous aider à remplir, comme si on ne savait pas remplir notre prénom, alors qu'on y arrivait très très bien. C'est juste qu'on s'est trompé juste sur le. D'habitude, on met que la purpose de notre visite, le but de notre visite, c'est le tourisme, et là, il fallait mettre transit, parce qu'en fait, on est qu'en transit. Et on n'a pas fait. On n'a pas l'habitude, quoi, on n'a pas trop fait attention. Sinon, le reste, on savait le remplir quand même, globalement. Ils se sont tous mis. Il va falloir nous aider. Notre copain ouzbek, il a voulu vraiment nous aider en nous disant que la date de fin, enfin de séjour, c'était 3 mois après la date d'entrée. Je lui ai expliqué que non, qu'on avait un visa de transit. Mais Mais surtout que même hein, pour nous, c'est 30 jours hein, le visa, c'est pas 3 mois, hein, je crois. Si t'as un visa de tourisme en Russie, c'est 30 jours. Bah, sûrement qu'eux, du coup, ils doivent avoir des visas de 3 mois. Oui, mais parce qu'ils sont limitrophes. Ouais, bien sûr, voilà, non, mais c'est sûr. Donc je. Oui, je. Il insistait quoi. Parfois ils essayent de t'aider, c'est pire que. Ouais, c'est ça. Quelque chose, c'est pas grave, ça part d'un très bon sens. Ah, oui, c'est ça. Que... Et il y a une bonne ambiance dans le. Enfin, toi, les personnes. Bon, les gens sont plutôt bienveillants, ouais. Oui, clairement. Mais en même temps, ils sont pas non plus étouffants. Enfin, toi, ouais. C'est plutôt sympa quoi. Bah, j'ai croqué un petit peu ce matin. Je pense que tout le monde était un petit peu dans le froid et tout, donc ils n'ont pas trop repéré, donc ils vont pas trop. Si, je crois que les dames, elles t'ont vu en face, parce qu'elles se sont un peu parlé en te regardant et tout, mais bon, elles n'ont pas osé te demander. Parce qu'au final, en face de nous, il y avait une dame qui a mis du temps avant de nous parler. Enfin, on est rentré dans le train hier à 18h, et elle a osé nous parler ce matin qu'avant qu'elle parte, en fait, quasiment, pour nous demander si on était touristes, d'où on venait et tout. Ouais. C'était un petit peu timide. Ouais, bah oui, oui. Et nous donc? Oui, mais nous, on... Enfin, c'est-à-dire... On est timide. Spontanément, on va pas, de toute façon, voir les gens dans un train français qui sont étrangers en leur demandant d'où ils viennent et tout ça. C'est pas notre culture. Mais peut-être qu'on devrait commencer à faire ça. Non, mais c'est juste que c'est pas notre façon. Allez emmerder les gens. Non, j'en rigole. Je vais laisser ça. Hein. Je vais laisser que t'es grognon. C'est pas vrai. Moi, je le pense, mais je le dis pas. Hein. J'ose pas. Voilà. Parce que... un lit pour enfant. Non, c'est pas du tout un lit pour enfant. Un objet décoratif qui sert de... Je pense peut-être de table ou de plateau pour de la bouffe. Oui, mais regarde, ça a des pieds qui sont culbuto. Donc c'est en effet sûrement pour mettre un enfant. Est-ce que tu trouves qu'il y a un enfant dans le sac plastique? Il est bien bien emmailloté, c'est le gars. Ah bah il bouge pas là. Mais c'est peut-être un berceau en effet, enfin un truc pour... Oui, un berceau. Qui est pas très beau pour mettre un matelas, je sais pas. On sait pas. Suspense. Et pourquoi c'est là? Ben, je vais savoir. Le monsieur se déplace, genre. Ah, il y a du mouvement. Et au niveau végétation, tout à l'heure, on est passé quand même dans des forêts avec des grands arbres. Ah bon? Ouais, des grands pins, bien verts, tu vois, ça contraste un petit peu la steppe. Ah, évite de parler. Je décris la nature. C'est moins la steppe en effet que quand on est parti. Pas sûr, de l'autre côté c'est complètement la steppe. Oui, mais c'est moins vaste. Oui. Tu vois, c'est... Il y avait des énormes... Enfin, une énorme étendue de steppe à perte de vue et il y avait juste un arbre en plein milieu. Il s'était perdu, le pauvre. On est le 3 octobre 2019, et tu sais pas quoi? On est en Russie! On a passé la frontière d'une façon tellement paisible. C'était le plus facile depuis qu'on est parti, je pense. Même encore plus facile pour les accents. Ils nous ont même pas fouillé pour l'entrée en Russie. Ouais. C'est fou. Alors qu'on pensait que ça allait être un peu stressant, parce qu'il y a toutes les restrictions avec les médicaments. Et machin, on se dit avec le micro, peut-être ça va poser problème. Tu parles, le mec, il a juste vérifié qu'il n'y avait pas des gens qui étaient coincés, enfin cachés dans les lits et tout, et c'est tout quoi. Il faut dire aussi que les douaniers, enfin non, les border, je sais pas comment on appelle ça, la police de la frontière du Kazakhstan, est tombée encore sur un mec hyper sympa, et qui nous a posé plein de questions, on a papoté, tout ça, enfin c'était encore un bon moment. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était rentré la première fois au Kazakhstan, les mecs, ils avaient mis de la chanson française pendant qu'ils nous contrôlaient les passeports. Ouais, et puis ils ont tous des têtes hyper sympathiques, ils sont souriants et tout, c'est vachement agréable, quoi. Ouais. Donc, non, ça s'est fait, voilà, hyper facilement. C'est juste long, quoi, parce que, comme d'habitude, une fois que t'es contrôlé, qu'ils ont vérifié ton bagage, je sais pas pourquoi, t'attends une heure à la gare. Alors que, bon, il se passe pas grand-chose, quoi, donc... Entre le moment où on est arrivé à la gare de passage de frontière au Kazakhstan et le moment où on est reparti après celle de Russie, il s'est passé 2 heures, quoi, pour moi. Ouais. Bon, alors on s'est fait inviter par un Ouzbek. Celui avec qui on papotait. Avec le jeune kazakh. Tout à fait. On se souvient déjà plus du nom. Oui, tout mais... est écrit, mais... Oui, tout est écrit. Si, l'ouzbek, il s'appelle Azam. Oui, ça oui, mais... Et du coup, il nous a... Il nous disait ghost, ghost. Comment ça se dit ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on regarde dans le dictionnaire, ça voulait juste dire guest. voilà, donc au moins on saura dire... Il fallait aller boire le chai et manger des petits fruits secs. Du coup, on n'a pas arrêté de bouffer. Et avec eux, il y avait un russe, Alec. Trop sympa. Adorable, mais vraiment trop marrant. Enfin, on a bien rigolé. Qui nous a servi du cognac kazakh. Eh ben, alors, je peux vous dire... fait un tout petit fond, hein, parce qu'on s'est dit on va être complètement torché. Ouais, c'est clair. Alors déjà que Azam, plutôt, il nous avait proposé des petites pilules noires qui, a priori, te font planer. Ouais, il dit bon. Que c'est du tabac, mais clairement, c'est sûrement pas du tabac. Je pense que, voilà, je préférais pas trop tester. Non, ça, on a dit non. L'alcool, ah. on maîtrisait à peu près les effets sur notre corps, donc on savait gérer. Et encore, si c'est pas de l'antigel. Non, ça va, ça avait une couleur... Non, ça avait vraiment... Et c'était très bon. Enfin, ouais, vraiment, c'était... Ouais. Ouais, c'était très chouette. Il y a la femme d'Azam qui nous a chanté sur le pont d'Avignon parce qu'elle avait appris le français à l'école. Bon, elle avait nous disait qu'elle avait tout oublié, mais elle avait quelques petits mots comme ça. Et puis, c'était trop mignon. Hyper gentil aussi. Ah ouais, ouais. Mais même les gens avec qui ils étaient, qui n'étaient pas des gens, je sais pas trop s'ils les connaissaient ou pas, du coup, parce que comme dans ce train, en fait, le wagon était vide et tout le monde était concentré autour de deux carrés. C'est très convivial, quoi. Tout le monde se parle, machin et tout. Du coup, on ne sait pas trop s'ils se connaissaient, mais ils étaient aussi très gentils. Il y en a un qui nous a donné une grenade. Une énorme grenade, enfin une grenade à manger. Oui, oui, bien sûr. Il y avait un petit bout de chou trop chou aussi, qui était tout timide, mais qui était tout intrigué. On a encore remontré nos photos. Ça a fait beaucoup de succès. Eh ouais. On commence à... Enfin non, moi j'ai pas retenu encore. Nièce et neveu, c'est compliqué. Non, mais on sait Brat et Sistra. Ça va, on sait. Ouais. C'était très très chouette et du coup ensuite on s'est fait on a dû retourner à notre couchette parce qu'on s'est fait virer de nos couchettes. Enfin, de ma couchette. Oui parce qu'en fait à une gare à un moment donné en Russie, il y a un couple de petits vieux qui étaient. Enfin après je comprends, enfin tu vois, ils avaient leur place. Ils n'avaient pas envie de monter, oui. Ouais, c'est clair. Et du coup on a dû changer toi ton lit, t'as dû le mettre en haut. Mais alors moi qui ai un peu le vertige. Je suis pas très très rassurée, je déteste les lits superposés où t'es en hauteur comme ça. Jusqu'à maintenant, dans tous les auberges de jeunesse, c'est toujours toi qui te retrouves en haut et moi en bas, hein, clairement. Et donc là, il fallait monter, déjà qui était pas une mince affaire. Et en plus, la couchette est quand même relativement étroite, donc t'as pas intérêt quand même à trop bouger la nuit. Et surtout, t'as une espèce de planche qui sert d'endroit de stockage au-dessus de toi, qui est très très pro. Enfin, tu peux pas t'asseoir quoi. Donc dès lors que tu bouges un peu, si tu te retournes et tout. Et que tu veux faire des mouvements, c'est pas du tout facile. Attention, on se dépêche pour le passage piéton. Sinon, on sera écrasé. Wow, wow, wow, wow, wow, les gars. Stop pot breaking down. Oui, t'as ton visage qui est à 20 cm de cette plateforme. Quoi. Pas du tout angoissant. Mais bon, au final, ça a été, on n'a pas trop mal. Enfin, moi, j'ai pas trop mal dormi. Non, moi, pareil. Hein, c'est un peu dur quand même. Donc, bon. Tu bouges beaucoup pour essayer de te désengourdir, mais l'avantage qu'il y a quand t'es dans les carrés par rapport à quand t'es sur dans le couloir, c'est que tes pieds peuvent dépasser un peu de la couchette, alors que dans l'autre, je pouvais pas étendre mes jambes entièrement, quoi. Moi non plus. Ah oui, t'es encore moins. Et ça, c'est très désagréable. Quand t'es contraint en largeur, mais aussi en longueur, et que t'as... Enfin, tu vois, tu peux pas trop bouger et tout, t'as vraiment l'impression, heureusement que c'est pas... que c'est pas entièrement fermé parce que t'auras l'impression que tu vas mourir. Donc conseil, si vous prenez un train de nuit au Kazakhstan ou en Russie, ne prenez pas les couchettes qui sont dans le couloir. Ouais. Et en plus, si tu es un peu frappé, enfin pas méchamment, mais les gens quand tu passes, parce qu'ils ont leurs sacs, les trucs, ils sont hyper chargés les gens. Ils font pas gaffe. Et du coup, si tu veux dépasser un peu, comme c'est pas non plus très très large, bah tu te prends facilement les gens quoi. Donc en plein milieu de la nuit, quand tu te fais réveiller par un mec qui bute, tu vas dans ton genou. C'est pas très agréable. Donc ouais, c'est vraiment à déconseiller. Même si c'est vrai que c'est pratique d'avoir cette petite table à soi et tout, mais en fait, pour dormir et tout, c'est pas très pratique quoi. Et puis tu peux pas bien mettre tes bagages. Ouais. Parce que quand t'es dans le carré, du coup, il y a sous le lit, du bas, il y a un énorme coffre où nos deux sacs rentrent largement. Et sinon, t'es obligé un peu de les caler sous les sièges, donc c'est déjà moins sécurisé. surtout moins pratique, quoi. Et voilà, et puis il y a aussi, on n'a pas parlé de Beck, le contrôleur. Ah bah oui. Qui est venu nous parler. Alors c'était un peu gênant. Ouais. Parce que... Ça c'est toujours compliqué quand ils te demandent combien ça coûte de voyager. Et que bah tu veux l'ordure parce que tu... enfin, on n'a pas raison de le cacher. Et qu'en même temps c'est gênant parce que de une, bah tu te sens mal à l'aise par rapport à eux. Et de deux, bah tu sais jamais trop comment... Bon, eux en l'occurrence ils sont bienveillants, mais bon... Dire combien ça te coûte, du coup potentiellement combien t'as les moyens. Tu vas dans un endroit, dans un train, tu sais jamais trop ce qui peut t'arriver. Enfin moi je suis pas très sereine à l'idée de parler d'argent, tu vois. C'est comme avoir des choses de valeur, tu vois, que tu montres. Ouais, ouais, on sort pas nos tablettes. Non. Enfin, on essaye quand même de pas trop se faire voir, quoi. Déjà quand on voit que nous dans le train. Mais... Bah après je sais pas trop comment parer à cette question, parce qu'en effet... c'est... Ah, il y a un monsieur qui est pas très frais. De bon matin. Ouais. Et comment, ouais, comment parer à cette question, enfin tu vois, pour éviter de non plus. Parce que bon, lui il nous expliquait que il peut pas voyager là, il faut qu'il travaille et puis quand il sera vieux, il pourra aller voyager. Mais là, il faut qu'il travaille pour amener de l'argent. Bah ouais, parce que je pense que pour eux, c'est des sommes énormes, quoi. Ah bah c'est sûr. Enfin, tu vois, pas pour nous aussi d'ailleurs, mais. Oui. Donc voilà. Oui, c'était un peu gênant, mais sinon il nous a montré les photos de sa famille. Oui, oui, oui. Donc, on a un peu de sa maison, tout ça, on a un peu papoté, c'était rigolo. Ils sont curieux, c'est... mais gentils quoi, pas étouffants et tout, c'est sympa. Coup, on est. Ouais. On a bien rigolé, enfin il était rigolo. Ouais. Donc voilà, donc là nous sommes arrivés à Novosibirsk. Et bah c'est bien, on est en Russie quoi. Il n'y a pas à dire, hein. Architecture. Ambiance. C'est climat. Climat, il fait 5 degrés. Donc... Oh, je j'ai, mis, j'ai mis mon bonnet, mes gants. On a dépassé ? Je sais pas comment c'est possible. On a marché vite. On cherche un petit café pour se poser, prendre un petit café. Ouais, et j'adore la gare. Je trouve que ça fait vraiment bâtiment russe, quoi, coloré. Ça fait un peu ce que tu te représentes de. Si l'impératrice, des tsars et tout ça, tu sais, cette ambiance, on était un peu coloré. Et à la fois, ça fait un peu Disney, quoi. Ouais, on espère qu'il n'y aura pas trop de son de la musique pas très agréable. Audi Pizur Love. Je trouvais ça hyper étonnant quand on était dans le train, même si les gens n'étaient pas du tout malveillants avec moi, ni quoi que ce soit. Mais globalement, notamment le contrôleur avec qui t'as pas mal papoté tout ça, il ne te parlait qu'à toi, quoi. Et il y a qu'à toi qui serrait la main et avec qui... Enfin, tu vois, il tapait sur la cuisse en rigolant. Et ce matin, quand on est sorti du train, il y a qu'à toi qui l'a dit au revoir. Et quand il m'a vu sortir et qu'il t'a pas vu, il est là, il est où Vincent, tu vois. Enfin, et du coup, moi, c'est un peu genre... non, mais toi, t'es une femme, quoi. De toute façon, donc on te parle pas. C'était pas un peu, c'était complètement ça, en vrai. C'était un peu bizarre. Voilà. Alors que pourtant, quand on discutait avec... le monsieur ouzbek et sa femme et toutes les autres, enfin, il y avait d'autres femmes et tout ça, elles avaient l'air de prendre de la place, enfin tu vois, elles parlaient et tout machin, donc je sais pas trop... Tout le monde te parlait, enfin tu vois, il y avait pas de... Oui, oui, globalement, j'avais un peu peur au début d'ailleurs qu'il te propose qu'à toi du cognac. Je me suis posé la question de savoir s'il allait m'en proposer ou pas. Ouais, c'était le russe, je pense que les femmes et les hommes sont peut-être un peu plus sur le même niveau, un peu plus. Au Kazakhstan, en Ouzbékistan. Oui, mais même en France, les femmes qui boivent de l'alcool fort, c'est pas ni très fréquent, ni très bien vu et tout ça, donc ça reste du cognac. Donc, peut-être qu'en Russie, c'est très fréquent, je sais pas. Bon, bref, du coup, c'est vrai que c'était un peu bizarre, quoi. Mais bon, c'est pas... voilà. Je m'offusque pas pour autant. Et sinon, on sort du cinéma. Et on n'est pas d'accord. Pour changer. Bon, non. Ah oui, c'est vrai. Non, on n'est jamais d'accord, hein, globalement. Quand on est sorti du film d'Anne Zarda, on n'était pas d'accord. Quand on est sorti de Rambo, on n'était pas d'accord. Là, on n'est pas d'accord. Le Tarantino non plus, on n'était pas d'accord. Donc, non, enfin, c'est vrai que là, quand même, on a beaucoup, beaucoup de films sur lesquels on n'est pas d'accord. Et oui, je suis plus cinéphile que toi. Qu'est-ce que tu veux? Mot veut dire... même s'il veut dire que tu aimes plus le cinéma... Il a un peu une connotation, je sais plus que toi, quoi. Non, ça veut dire j'aime ce que je vois. Voilà. C'est ce que je viens de dire, oui, mais en fait, c'est souvent utilisé comme étant j'ai plus de connaissances que toi. Ah, oui. Non, c'était pas du tout ça. Non, je suis plus. je suis meilleur public que toi. Je peux plus absorber n'importe quel type de film. Je peux regarder de la merde et adorer ça, hein. Et toi, ne pas supporter de regarder de la merde. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Non. C'est, je pense, j'ai un panel de type de film. Et tu vois, c'est rare qu'un film m'énerve et je me dis c'est vraiment nul à chier. Ouais, pas sur les séries, c'est fréquent que tu t'arrêtes parce que t'en as marre, parce que ça te fait chier, parce que c'est plus assez intéressant pour toi, c'est mal écrit et tout ça. On parle de cinéma, on parle pas de série. Non mais du coup, c'est rigolo, tu vois. Moi là, j'arrive à avoir plein d'incohérences qui me dérangent et du coup qui me font pas rentrer dedans, et toi c'est pour... Alors, les séries. Des incohérences que j'arrive à argumenter et du coup qui ne sont plus des incohérences. Non, ça reste des incohérences, on n'est pas d'accord. Bon. Donc le film en question c'est Ad Astra. On l'a vu dans un superbe cinéma. Donc. Ok, un théâtre en fait. Parce qu'il y a aussi une salle de théâtre. C'est marqué Kino, hein, à la base. Kino Podeva. Podeva. Sur la façade, c'est marqué Kino. Il y a pas... Oui, mais l'endroit. À la base, je veux dire. Peut-être que c'est devenu une salle de concert. Parce qu'il y a Roger Waters qui est passé hier. Hier, on a loupé Roger Waters. Oui, puis il y avait une espèce de. Comment on appelle ça ? Endroit pour déposer un vestiaire où ils voulaient pas qu'on dépose nos affaires et ça faisait très vestiaire de théâtre plus que... Ouais, même d'opéra, enfin, c'est très très chic et c'est vraiment magnifique, enfin, c'est un bâtiment à la russe quoi, et donc, c'est vraiment avec une hauteur sous plafond un peu démesurée, des lustres, tout ça, donc c'est magnifique. Ils étaient hyper gentils, que ce soit à la caisse ou la dame qui a regardé nos tickets avant qu'on rentre, qui nous a expliqué où est-ce qu'on pouvait aller déposer nos affaires, en fait dans leur local à eux quoi, et la fille qui nous a ouvert le local et tout le monde était hyper gentil. Ah ouais, non c'était très chouette. On a pu le voir en anglais sous-titré en russe, donc on a quand même pu... Mais heureusement, sinon ça aurait été deux fois pire, je me serais endormie je pense. Déjà je trouve ça long. Oh non, bon, bref, moi j'ai beaucoup aimé, donc si vous aimez les films de science-fiction... qui sont un petit peu planants, quoi, parce qu'en fait c'est assez lent finalement et l'histoire est plutôt cool. Il y a des moments un petit peu de tension dans la première partie du film, et puis voilà, moi je trouvais ça assez intéressant, je trouvais ça pas du tout incohérent, et voilà, c'est un beau film, et puis, voilà. j'aime bien le cinéma de James Gray, il fait des films un peu dans ce style-là, pas de science-fiction, mais c'est ça, c'est qu'il aime bien un peu prendre son temps et pour raconter des histoires des fois qui sont pas forcément extraordinaires, mais qui ont un sens, moi je trouve. Voilà. Bah, je veux pas vous lister tous les trucs que je trouvais pas très cohérents, parce que ça n'a pas de sens, ce serait un petit peu spoilé. Non mais en fait c'est juste que j'ai trouvé ça pas très... C'est même pas une question d'être plausible ou pas plausible, parce que dans tous les cas c'est de la science-fiction, donc voilà, mais j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, enfin il y avait plein de trucs qui étaient un peu posés là, sans grand intérêt. Tu as préféré 2001 l'Odyssée de l'espace ? Mais est-ce qu'on est obligé de trouver... Non mais parce que... Les deux peuvent ne pas me plaire, enfin, tu vois, il n'y a pas de problème là-dessus, j'ai aucun problème à ne pas aimer des trucs. Je suis pas rentrée dedans, quoi. Pas de soucis. J'en suis fort désolé parce que du coup tu as perdu du temps. Bah c'est à dire comme les 5 derniers films qu'on était allé voir quoi. J'ai envie de dire 2 heures de perdu pour toi. J'aurais dû rester au café en train de bosser, ça aurait été plus utile pour l'humanité. Bah, comme ça j'irai voir le Joker tout seul. Moi. Parce qu'il sort avant la France là, il sortait aujourd'hui. Oui mais c'est qu'on sera dans le Transsibérien. Ah on pourrait y aller à Vladivostok. Je pense qu'à Vladivostok on aura envie d'aller prendre une douche et dormir. D'ailleurs, je me disais ce matin en sortant du train qu'on a été un peu bête et qu'on aurait pu prendre une nuit ici en fait. On aurait pu demander notre visa en express, l'avoir vendredi, du coup partir tu vois dimanche ou lundi et du coup rester une nuit ou deux ici avant de repartir pour faire une petite coupure et pas enchaîner direct. Eh oui, mais c'est comme ça. On n'a pas été très très mal. Hein. Non, on savait pas qu'on pouvait être sûr de l'avoir 3 jours après notre visa. Oui, c'est vrai. Parce qu'on savait que c'était entre 3 et une semaine, 3 jours et une semaine. On voulait pas prendre le risque de ne pas l'avoir au bout de 3 jours. Et si on avait su qu'on pouvait payer un peu plus pour l'avoir. Enfin, non, on aurait payé le prix qu'on avait vu. Quoi. Enfin bon, bref, donc là on est posé dans un petit café, on est en train de prendre notre dîner. Et on va bosser un petit peu avant de repartir, quoi. Eh oui. direction la grande aventure. Ah bah là, Vladivostok enfin. Transsibérien, tout ça, tout ça. Ça va être cool, je pense. Ouais, je pense aussi. En fait, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'au final, c'est passé très vite le premier train, même si c'était beaucoup moins que le Transsibérien. Mais en fait, même si nous, on avait prévu de... On avait prévu des bouquins, prévu de faire plein de trucs, enfin, tu vois, de réfléchir, de discuter à nos projets, des trucs comme ça, par exemple. En fait, on n'a même pas le temps, quoi. Alors là, ce sera peut-être un peu plus différent, parce que c'est quand même plus long. Et qu'on n'aura pas besoin de changer 8 fois de lit, peut-être, donc du coup, on sera un peu plus stable. Mais comme les gens te parlent et tout, ils veulent communiquer, et c'est très bien. Enfin, mais sauf que bah, c'est plus, pas tout à fait du coup ce qu'on avait en tête, quoi. Ouais, ouais, bah, je pense que tous les bouquins que j'ai achetés, il a fallu que j'en prenne juste un. Celui que je porte, du coup ? Ouais. Exactement. Ça fait plaisir. On n'a aucune idée de ce qu'elle a dit, mais on sait qu'elle parlait de notre train. Oui, certainement, parce que ça vient de s'afficher. Novosibirsk, Vladivostok en même temps. C'est notre. C'est parfait. Nous sommes dans cette immense gare de Novosibirsk. Qui est très très jolie. Ah ouais. Et qui doit être, être rénovée il n'y a pas très longtemps, parce que franchement, quand tu as les peintures et tout, c'est tout neuf, quoi. Ouais, c'est propre. Hein. Je n'ai pas à dire. On est allé dans un petit café après le cinéma. Et en partant, il y a une des serveuses qui nous a apporté trois petits gâteaux à emporter. En cadeau. En cadeau. Enfin, trois petits gâteaux, trois grosses pâtisseries, trois gâteaux, quoi, ouais. Au final. Hein, parce qu'il y a un éclair et deux pâtisseries à base de mousse au chocolat et de ganache. Enfin, bon, bref. Vraiment, mais c'est adorable. Tous les gens qu'on a croisés à Novosibirsk jusqu'à maintenant étaient adorables. Ouais. Tout gentil. Du coup, on s'est dit on va arrêter d'acheter de la bouffe parce que... Après, en partant, on nous a dit revenez vite. Bon, on va peut-être pas revenir vite, quoi. Clairement... Ah, pas vite. Mais pas revenir, on sait peut-être pas. Peut-être que Novosibirsk sera de nouveau sur notre trajet, on sait pas. C'est ça qui est bien, c'est qu'on ne sait pas. On sait même pas ce qu'on va faire le 12 octobre. On sait ce qu'on fait jusqu'au 11 déjà, c'est pas mal. C'est clair. Au moins on aura débarqué au Japon. Oui, et ce qui est déjà très loin pour nous comme prévision quoi. Une semaine à l'avance. Enfin, ouais. Là, une semaine, on sait pas trop ce qu'on fait. C'est clair. Donc, on va y réfléchir un peu dans le train. Et puis peut-être à Vladivostok, on n'est pas trop crevé. Au final, ça va être rapide à Vladivostok. Hein. Parce que, ouais, on arrive à 14h30 et. On repart à 9h le lendemain. À mon avis, on va juste prendre une douche et dormir. Mais ce sera pas mal. Ce sera déjà pas mal. On va bien frotter. Donc on est voie 4. Train de 23h54. On a un peu paniqué quand même tout à l'heure parce qu'on voyait pas notre train affiché. Et sur les horaires un peu généraux, style tableau d'affichage, où il y avait tous les horaires, quoi. Il n'y avait pas notre train. On ne trouvait pas. En fait, il y a 3 ou 4 types d'écrans différents, donc il fallait trouver le bon. Une fois qu'on a trouvé le bon, ça a l'air plutôt cohérent. Il y a quand même 3 trains qui vont à Vladivostok entre 23h54 et 2h05. C'est assez dingue. J'ai hâte de voir la taille du truc. Parce que je me dis, ça doit faire une sacrée tripotée de gens qui font ce trajet, quoi. Il y a énormément de gens à la gare à 80. Ouais, 23h30. Bah, au final, il y a des trains jusqu'à... Enfin, ça s'arrête jamais, quoi. Il n'y a pas comme chez nous, à partir de minuit et quelques, jusqu'à 5h du mat', il n'y a jamais de train qui circule. Là, il y a des trains là. J'ai envie de dire... Let's go. Allons-y, c'est parti. Transsibérienne. Non, c'est quoi, Transsibirski? Transsibirski. Transsibirski. Je crois. Il me semble. C'est parti. Go. Quatre octobre 2019. Ça y est, on est dans le Transsibérien depuis un moment maintenant. Oui. Par où commencer? On est rentré déjà. Enfin, on est arrivé pour entrer dans le train et c'était des dames qui nous ont accueillis. Et ce qui est rare, c'est, enfin, pour nous c'était la première fois, ouais. Parce que jusque-là c'était toujours des hommes, hein, qui étaient responsables des wagons. Alors peut-être c'était le hasard aussi bien, mais chaque fois quand je voyais sur les quais des gares, c'était toujours des mecs qui étaient toujours par deux de toute façon, hein, pour diriger le wagon. Mais pour faire un roulement, je pense qu'il y en a un qui dort pendant que l'autre est réveillé, etc. Oui, ils ont l'air toujours au taquet en tout cas. Et elle aussi. Et... C'était quand même... Enfin, ils avaient des jolis uniformes, un peu comme dans les avions, quoi, les hôtesses de l'air. Ouais, ouais. Ils étaient vraiment habillés très, très chic. Ils nous ont vérifié nos billets, nos passeports, quand on est rentré dans le wagon. Mais aussi, une fois que le train était parti. Oui, donc deux fois. Fort contrôle. Déjà, de l'aspect extérieur, le wagon était tout repeint à neuf. Oui, quand on est arrivé devant le train, je me suis dit, ça a l'air très très neuf, quand même, tout ça. Très neuf. Mais je me suis dit, c'est fait faire un coup de peinture, ça peut, c'est vite fait, quoi, je veux dire. Mais, c'est chaud. C'est chaud, le thé. Le thé, il est chaud. Et on est rentré dedans, donc c'est vrai que c'est exactement le même principe de wagon qu'on a eu jusque-là entre Kazakhstan et Kyrgyzstan. Mais un poil plus neuf et plus confortable, quoi, j'ai l'impression. C'est-à-dire que pour nous, c'est de la troisième classe, mais c'est luxe pour nous. Il y a des prises USB au niveau des couchettes du haut. Et des prises en bas. On ne les a pas encore testées, mais après, ouais, elles fonctionnent parce que les gens ont l'air de brancher leur truc. Quand tu es en couchette en haut, bah, tu as un peu plus de hauteur sous la tête pour pouvoir manœuvrer. Et une petite barrière. Et une petite barrière. Ce qui est fort plaisant quand même, parce que je dors pas en haut, mais comme j'ai dormi en haut hier... C'est assez pratique pour monter dans le lit, en tout cas, parce qu'il n'y a pas d'échelle, hein, des marchepieds. Je trouve que ça te permet de dormir peut-être plus libre, enfin sans te poser la question de savoir si quand tu vas te retourner, tu vas pas te casser la figure, quoi. Tu peux un peu te poser contre, quoi, la nuit. Donc non, moi j'ai bien dormi, du coup. Bah moi aussi, on a dormi hyper longtemps, en fait. Ouais, moi je sais pas à quelle heure vraiment je me suis endormi. Ils ont coupé les lumières, parce que bon, on est parti à minuit, mais je pense plus d'une heure après. Oui, vers... Moi j'ai dû éteindre ma liseuse vers une heure un peu passée, quoi. Bah moi j'ai arrêté de lire quand ils ont coupé les lumières. Donc ça devait être à peu près cette heure-là. Et tu t'es levé à 11h. Ouais. Donc ce qui montre que c'était confortable et calme, parce que clairement on n'a pas fait des si grosses nuits dans les autres au Kazakhstan, non, non. Quoi. Bon, après je me suis réveillé, tu vois, non, moi aussi j'arrêtais pas de me retourner, mais on était bien, quoi. J'étais pas mal, quoi. Enfin, tu vois, je me réveillais pas avec une douleur de hanche. Et puis les autres gens dormaient aussi, hein. C'était calme, hein, globalement. Les toilettes sont incroyablement propres et aussi, alors il y a du papier toilette, de l'essuie-main. Après, un robinet d'eau chaude, d'eau froide, j'ai pas testé l'eau chaude, mais. Moi non plus. Et des protège-sièges. Et du savon qui sent bon, et tu vois. Tu sais comment c'est bon. Il y avait du savon dans les autres? Dans le dernier qu'on a pris, ouais. Il y avait une savonnette. Le truc était un peu. Ouais, mais c'est. Bon, malgré. Tu vois, autant ça ne dérange pas de me laver au savon chez moi et je trouve que c'est très pratique. Autant la savonnette, quand tu sais pas trop. Bon, ça reste du savon, donc c'est propre, c'est antiseptique, mais psychologiquement. Non, moi ça me. Ouais. C'est pas très agréable de se. Utiliser une savonnette, je trouve. C'est un endroit nettoyant, quoi. Oui, je sais bien, mais c'est juste psychologique. Ouais. Donc, agréablement surpris. Enfin, on a eu tellement. On va dire entre guillemets moins confortable, encore que donc ça nous allait très bien. Oui, oui, mais on s'attendait à ce que ce soit pareil, voire moins bien. Enfin, et en fait, c'est mieux, quoi. Bien mieux. Non, mais je suis ce qui est sympa pour passer 5 jours, du coup. Non, mais quand tu vois le prix que tu payes pour la distance que tu fais et tout, enfin. Tu payes moins cher que pour faire un Paris Nîmes. Oui, mais c'est pas un TGV. Non, mais pour la distance, je veux dire. Ah oui, oui, oui, c'est pas Paris. Mais... Et d'ailleurs, j'ai vu à côté sur la porte de la cabine des hôtesses, on peut plus comme ça, je sais pas si t'as fait attention, il y a de la nourriture avec des prix, il y a un symbole de carte bleue, je pense que tu peux acheter des trucs à boire et à manger et tout ça. Putain, trop bien. En plus, il doit y avoir sûrement un bon restaurant, mais on se trouve. Ouais, mais c'est un peu difficile, je crois, pour... Tu peux difficilement aller d'un wagon à l'autre. Ah bon ? Enfin, je me souviens, dans les autres trains, ils fermaient les portes. Il n'y avait que les contrôleurs qui faisaient les... Ils pouvaient faire les allers-retours. Okay. Alors, des fois, si tu étais avec lui, bah, toi, tu te fais filer. Le paysage était plutôt joli. Et toujours, mais là, on est en gare. Oui. Pendant trois quarts d'heure. Mais des forêts de pins immenses mélangées à des, je pense que c'est des bouleaux qui commencent un petit peu à, enfin c'est l'automne quoi, donc c'est des belles couleurs et des plein de baraques en bois, enfin la forêt de Sibérie quoi. Ouais, l'image que tu te fais là, ouais, ouais. C'était rempli. C'est trop beau, des petites rivières, des petits lacs et tout. Pour l'instant, c'est cool. Premier jour. Les gens sont gentils. Ah ouais, les gens sont gentils. Ça, ils ont commencé à en parler, tout ça. Hein? Gentiment, disons. Ouais, petit à petit. Ils ont un tentatif. Et puis, moi, j'ai commencé un peu à dessiner, donc ça intrigue aussi. Seulement. Il va avoir une ambiance plutôt calme et tranquille, quoi. Genre. Non, mais c'est clair. Et les gens, ils te. Enfin. C'est même pas t'as pas besoin de galérer pour qu'ils viennent t'aider pour soulever un truc. Là il y a une dame qui est partie, qui est descendue en gare, et ils sont trois à l'avoir aidé, oui, à prendre sa charrette, son sac, son machin, son truc. Limite ils refusaient qu'elle prenne sa charrette, ils disent non, on va vous aider à la descendre. Ils nous ont déjà donné un peu de nourriture. Nous on a partagé un peu nos gâteaux hier, oui. Ce matin on a eu un petit peu de noix. Des bonnes noix en plus, pour une fois j'ai pas d'aft. Parce qu'elles ont bien été torréfiées. Elles avaient un très bon goût, elles n'avaient pas le même goût que d'habitude. Non, c'est vrai qu'elles n'avaient pas... C'est pas si forte. Enfin, ce goût un peu... Parfois trop fort. Donc pour l'instant, on est pas mal. Hein. J'espère que ça dure, mais ça s'annonce plutôt bien. Est-ce qu'on va pas péter un câble au bout de 4 jours ? Ça sera une autre affaire, mais en tout cas, on dort bien. Mais j'ai l'impression que c'est notre maison, tu vois. On a c'est, force. On, c'est trop bien, ça. Non, mais... En fait, c'est ça, c'est qu'aussi, on se disait... Enfin, si t'avais commencé par ça, ton voyage... Bon, en effet, t'as un petit choc, tu vois, juste pour t'organiser, savoir où est-ce que tu mets tes affaires, comment tu fais, machin. Mais là, vu qu'on a déjà pris plusieurs fois ce système de train qui est quand même très similaire, du coup, on savait exactement où mettre nos affaires, comment s'installer, quoi sortir, ce dont on avait besoin. Non, c'est pas et tout, donc du coup, ouais, c'est comme si c'était chez nous, quoi. On prend nos aises. Puis là, on est confortable parce que du coup, en face de nous, il n'y a personne. Et le monsieur qui est en haut, il s'assoit pas. Il reste dans son lit non plus. Bah ouais. Il descend, il remonte, mais. Non, on a un petit compartiment pour nous deux. Quasiment. Et j'en joue aux cartes. Ouais, j'ai déjà vu. J'en joue aux cartes aussi. Oui, ils se sont déplacés. J'essaie de de comprendre les règles. Ouais, ouais. Je vois pas trop ce que ça peut être. Va falloir que je pense un peu à lire mon bouquin. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Super. J'ai commencé L'usage du monde par Nicolas Bouvier, que j'ai trouvé dans l'hostel Almaty, sur ce monsieur qui était journaliste, auteur. On fait à peu près le même chemin que nous, mais il y a 60 ans, quoi. En 53, 1953, et avec son pote peintre, ouais, ils sont partis en bagnole depuis, ils sont partis de Zagreb tous les deux, non, de Belgrade, et puis ils ont fait la Turquie, l'Anatolie, l'Azerbaïdjan, et ensuite l'Iran, je ne sais pas encore. Et... Ça sent le touriste, ça. Oh, ça sent pas le local, en effet. Mais du coup, il a l'air très... Il y a un autre wagon. Oui, c'est un autre train super. Bah, en même temps, il y en avait trois donc, qui se suivaient à une heure d'intervalle, donc potentiellement, on s'arrête tous... C'est une grande gare, là. Qui est jolie, d'ailleurs. Enfin, elle est un peu en travaux, mais de ce qu'on a vu, elle est très jolie. Ouais. Bah, c'est le même style hein, qu'on avait à Novosibirsk. Ah, mais je trouve la nourriture, elle est pas mal. Ah oui, non, c'est sûr, mais de toute façon, ils s'arrêtent au moins une fois par jour, trois quarts d'heure, j'ai vu sur le planning. Peut-être qu'on achète de quoi déjeuner, hein. C'est pas rien à bouffer, oui. T'as parlé de moi, évidemment. Ouais, c'est sûr, mais ouais, je comprends. Tu vas faire une mission ? Moi, tu veux que je sorte ? Tu vas aller chasser l'ours ? Non. Moi, je ne sors pas des autres. Ah, d'accord. Trop peur. Ah, monsieur, il a un sweat castor. Le problème, c'est que toute la bouffe, elle est emballée en plastoc, hein, donc... Ça va être... Non, mais on peut peut-être acheter du pain. Continue, on nous en reste du pain. Oui, du pain, il nous en reste. Il a pas l'air de faire chaud chaud dehors, hein. Les gens sont bien bien couverts. Ah oui, il y a une différence de température. Voilà, il fait un poil chaud dans le wagon. Bah c'est programmé pour être à 24 degrés. Qui... Il y a quand même un affichage avec marqué où est-ce qu'on est, la température qu'il fait. Enfin, dans les toilettes, il y a une feuille de route avec quand est-ce qu'il nettoie et tout, truc qu'on n'a jamais vu. C'est nettoyé deux fois par jour. Non, c'est clair, c'est... Bah c'est cool. Très cool. Et du coup, à 24 degrés, c'est un poil chaud. Je dirais, on va se réfléchir. 20, ça aurait été bien, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, dès que le soleil tape, ça chauffe encore plus. Hein. Bah, on est un peu une caisse en métal, quoi, comme du soleil, c'est sûr. Que... Comme y a, les fenêtres là s'ouvrent pas, donc pour le coup, il y a du double vitrage. C'est un peu le même concept que chez nous. C'est pas les fenêtres comme ce qu'il y avait dans celui du Kazakhstan, qui étaient des espèces de fenêtres en bois, donc du coup, qui n'étaient pas forcément hyper isolées. Ouais. Là, c'est vraiment la vitre qui est intégrée dans la structure avec des joints et tout. Donc, enfin, tu. Bah, il risque pas d'y avoir de courant d'air. Non, ça va. J'ai cru voir une fenêtre qui s'ouvrait. J'en ai vu une, ils avaient ouvert il y a. Mais derrière. Du coup, j'avance bien sur mon bouquin. J'ai déjà lu presque 300 pages. De la religion ? Oui, mais parce que tu sais, du coup, comme j'ai augmenté la. Ah oui, t'as 5000 pages en fait à lire. Genre, ouais, j'en ai 3400 quoi. Donc bon. Bah, 10 fois ce que t'as fait là. Ouais, ça se lit bien pour l'instant. Très bien. Il était temps que je m'y mette. Apparemment, c'est un best-seller, tout le monde en parle, et moi, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, tu vois, d'utiliser du temps pour lire ce genre de truc. C'est quoi, c'est Tom Willock ? Tim Willock. Tim Willock. J'ai plein d'autres trucs à lire, mais j'avais envie d'un truc un peu de fiction. C'est la fiction, mais qui t'apprend des trucs en plus. Oui, un peu, très ouais. Parce que bon, la décroissance, l'effondrement, tout ça, c'est hyper intéressant, mais parfois c'est un... T'as envie de te pendre ? Oh, je vais me dire, avec le bouquin que je suis en train de lire, c'est pas non plus hyper gay, mais au moins, voilà, ça change les idées, quoi, donc je vais alterner. On vient de traverser le fleuve qui est à côté de Krasnoïarsk. C'est immense. Immense fleuve. Et avec toute la végétation au bord, ça fait des beaux contrastes de couleurs. Du vert, du orange, du bleu de l'eau. Et en plus, il fait un grand soleil. C'est dur de rester concentré sur son bouquin parce que c'est tellement joli dehors que je peux le regarder sans me lasser. Pas besoin de télé, pas besoin d'écran. C'est un écran sur l'extérieur. Et en plus, ça bouge. Une palette de couleurs magnifique. Stood up and flow, we did get better. Put on a smile.